Connaissez-vous cette petite fille ? Sa grand-mère lui a offert un chaperon de couleur rouge. Comme la petite fille aime bien son chapeau, elle le met tous les jours. Depuis, on l'appelle le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère cuit une galette. Elle est ronde, bien gonflée, bien dorée, bien croustillante et elle sent bon. Comme elle est appétissante, le petit chaperon rouge a envie de la manger. Mais sa mère lui dit « Ce n'est pas pour toi, c'est pour ta grand-mère qui est malade. Va lui apporter cette galette et un petit pot de beurre. » Alors le petit chaperon rouge prend son panier et met dedans le beurre et la galette. Avant qu'elle ne sorte, sa maman lui dit « Ne parle pas aux étrangers et ne cours pas à droite ni à gauche. » Le petit chaperon rouge dit « Je vais faire attention, maman. Dans la maison, il fait chaud et on est bien. » Dehors, c'est l'hiver. Il fait froid et le vent souffle fort. Le givre blanchit l'herbe et durcit le sol. Le petit chaperon rouge a froid et claque des dents. Elle resserre son petit manteau contre elle. Le petit chaperon rouge marche vite sur le chemin et arrive dans la forêt. Les arbres n'ont plus de feuilles et leurs troncs sont noirs. Le vent siffle dans les branches. Par terre, les feuilles tombées à l'automne pourrissent dans la galerie. Le petit chaperon rouge rencontre un loup qui a les poils gris et les oreilles pointues. Bonjour, dit le loup. Où vas-tu de si bon matin ? Je vais chez ma grand-mère qui est malade. Je lui apporte une galette et un petit pot de beurre. Je vais manger la grand-mère et après le petit chaperon rouge. Miam miam. Où habite ta grand-mère ? De l'autre côté de la forêt, plus loin que le moulin, à la première maison du village. Oh, puisque ta grand-mère est malade, je vais lui rendre visite aussi, dit le loup. Toi, tu passes par là, dit-il, en montrant le chemin le plus long. Moi, je passe par là, en montrant le chemin le plus court. Le loup court de toutes ses forces et arrive le premier chez la grand-mère. Il toque à la porte. « Qui est là ?» demande la grand-mère. « C'est moi, le petit chaperon rouge. J'ai une galette et un petit pot de beurre que maman vous envoie. » répond le loup. « Tire la bobinette et la chevillette, cher rat, » dit la grand-mère. Alors, le loup entre dans la maison et se jette sur la grand-mère. Il l'avale d'un seul coup. « Je vais me déguiser en grand-mère, » se dit le loup. « Quand la fillette arrivera, je la dévorerai. Ça me fera un excellent repas. » Le petit chaperon rouge arrive chez sa grand-mère et frappe à la porte. « Qui est là ?»« C'est moi, le petit chaperon rouge. J'apporte une galette et un pot de beurre que maman vous envoie. »« Tire la bobinette et la chevillette, cher rat. » Le petit chaperon rouge ouvre la porte et pose son panier sur la huche à pain. « Viens te coucher avec moi, » dit la fausse grand-mère. Le petit chaperon rouge se glisse dans le lit et est très impressionné de voir sa grand-mère si changée par la maladie. « Oh, grand-mère, que tu as de grands bras !»« Mais c'est pour mieux t'embrasser, mon enfant !» « Oh, grand-mère, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. »« Grand-mère, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. »« Grand-mère, que vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger. » Et le loup se jeta sur la petite fille et la dévora. On ne revit plus jamais la grand-mère. On ne revit plus jamais le petit chaperon rouge.